FDC a comme un succès makasi le la renaissance a sali succès tant bakaboni na moto ya pembe nanya kolonga tumboyo ezala FDC ezala FCC to considérant le la lina foot mazembe muto abimi champion chinois a beti jeune fille ya muto mwindu na port na États-Unis Kobeta kotika ye mutakala. Siko ba Kongole, ba Rwande, ba Burkinabe, ba Antille, ba tutu ba yeko sanga da place moko, ba lobby, toko marché lobby, toko laksa chinois ke tozali batu. Yango tolo ba bato FCC, otali yo moko docteur an, oza buena boye, me bazo balote, balote. Tu ne te poses pas de questions comment? Bo koko za biloko a buzoba, na komi musulman. Si on a continué comme musulman, on a dit que le Kaliboso a beaucoup demandé pour les alébélés à comme le col arabe. A la tiba moi, il y a arabe. A beaucoup de temps pour un aboubou partout. Voilà mon monde de Gazalaka. A Bundaka n'a pas de connaître pour sauver Kaka et le col à Moupaya. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Vandine au Royaume-Uni, topé aux Alandekona Londres, Pesa et Sango, l'agence de fret, yaba professionnel, yangoyo. Avec des diplômes universitaires au Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Bouboubou numéro 9, Matongé 2, commune Yakalamu, référence école Monseigneur Moke, Van Ezakoyananda en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Colline ayo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret O tindi milishi e komi pe ba meli. Yo ozana non, tope na sud ya Angleterre, ben biso na ba numéro oyo. Kafrek, ezan Angleterre, si na ekot. Kafrek, eza la kape fet aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafrek.com. Nazan le sengo mingi a osa l'émission à l'élo. Parce que sengo wana, eza ko constate que Nabino nangai tozane sengo moko peut-être ba mususu bazane sengote parce que ba botamba na motema moko mabe koko si la tena nzoto na bango FCC zoki ndera kokufa yango moko de sa plus belle mort makamyo soza ko loba ole il est là en train de c'est lui qui dirige c'est lui bande koboye baka France tango bozo utilisango na munoko c'est lui qui dirige. Si c'était lui qui dirigeait Nenge Bozo Kanisa, Nde Achia Zoua déjà décision que Nabimisi gouvernement. Tant que Fachi Andimina noté oui et Gobimate, vous allez comprendre que c'est lui qui dirige. Et puis Sengomingi pour Namonaki d'une manière détendue, le chef de l'État, à ce qu'il a vérifié chantier Namonaki, image à chantier à. Nani pompage nde loko eza ko sala souci na FCC réunion mobimeza tipo abandi ko réussir so fungoli ba so mouton et sili amutiaje ko sila akwatake secteur mususu so kika ka sali makamunyo se komi bien c'est fini pour nous FCC tokotika la solo et donc eza ko sala ko banga pito pale na minute tozoloba au pesi mbwa Mboa boyi. Mais tout le monde a pensé que mboa mboa paye un demi. Bitoumbe comme FDC. Basa ko bundana. FCC. Oye ki basse na kati. FDC. FCC. Et ça a dit solo ya. Monte ma pembe na renaissance. Mikolo FDC. A komi na succès. Ma kasi. Loko la renaissance a sali ki succès. Tan bakaboni na monte ma pembe. nanya kolonga etumba oyo ezala FDC ezala FCC to considérant lokola lina foot mazembe mutu abimi champion bon suivez mon regard donc il n'y aura rien y a extraordinaire ndenge bato bazoko komona le président Tshisekedi Tshilombo aza serein abimaka aki asali misala na ya zongi mingi balakisinga ba image l'ancien président na moto aza kosala boye bozobangani eza tour ya na kingakati il ne dérange pas la ville que omoni aleki na ville awa na ba cortège bona bon non vous êtes bien tranquille notion ya sika ya que un président même Tshilombo Tshisekedi tango a kolongwa ye pa kotikala na ba honneur moko boye bazopesa ye mususu a kokota ezala ndenge wana tomonaka na Ghana ezala ndenge koma na Zambie que ça ne vous effraye pas. C'est vous-même, vous avez la notion de la moutou, au moins écoute, vous écrivez des bêtises. C'est ce qui m'étonne. Attends, ceux qui ont l'ingité, présent Félix, mais vous avez comment nous coûter chaque jour, dans le sens de la moutou, ça c'est quel genre d'opposition? Dans le genre de la moutou, ma cambo, et c'est changé. Si vous pensez que. Oyo bozo kanisa, oh tango bako tia sena, ende bako leke la président Félix a raison. Balongale, c'est quelle raison? Lisez la constitution correctement. Ah, bobandi, oh Kabila va siéger. Un titre honorifique ne donne pas lieu à l'exécution. Yabata Shimoko et Tali ba sénateur. Non! Et ça, honneur ba salier, c'est tout. Akoya ko kotera makambo ba sénateur wana te soki ezali possible ndenge na yebeli yendane ye alinga ya postuler aza la président ya sénat na idée que nakoya kozonga boye parce que ce n'est pas possible na sepeli mingi descente ya Augustin Kabuya il dépense ke kotala ne mwanda seme le mwanda seme c'est une force tranquille boye bakango bien. Naibi asalaka ba erreur moko tango alobaki tobenga na bikolo ya bona boye ezaki sous l'effet de la colère. Après avoir servi Kabila Kabange, bayaki kufuta na monnaie de change ya shilikaki. Mais loko wana bahati nazo répéter il fallait oyeba yango parce que ozaki koyeba que mututu asala cop na président Kabila azwa résultat te. Mbemba bayokanaka. Tosala yo président ga premier ministre tokeba Congo tosali assemblée boyebi suite Sami Badibanga na comme premier ministre tout ça ainsi de suite ba honneur basuka kana kobotele ba mituka ba bengana yo lokola mutu moko bwazangi na valeur moko te Tshibala awa nani azobetele lisusu lusolo nani ayambaka ye alobia za na FCC mais aza kuna kaka te a comprendre ye moko mvula oleji la kali moko wabo. C'est pour vous dire que le président Félix ne va pas souffrir dans sa tête parce que FCC eza lokola scorpion a commis soit ye moko poison kokota ye moko akokufa ye moko. Mais pourquoi aujourd'hui je voudrais parler aux autres à la personnalité ya congolais ya moko personnalité africaine za la kandenge nini ndeska problème ezali bati lukwebo décide ba bebani na ebite soko bebana za solo to ya lukuta je ne sais pas moi je fais l'analyse c'est pourquoi je vous ai parlé na oye le kaki que toz à la distraite parce que nguza carli bonde kende kindenge moko suka toyebi yango ninge komaki. Maintenant, yaye, je ne sais pas. Na zo jugé négativement, mais je suppose que tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Mais vous avez un peu de temps, que alembi baku e babeti eleki alembi. Mais à moins, ce qui est vrai, c'est que vous avez dribblé Kabila, c'est là qu'il est définitif, vous avez dribblé et puis ceiling. Bitumbe kokoma très difficile na Assemblée nationale. Parce que Bati a commandé un mot d'ordre. na mort d'ordre wana ba kwanda ko kweisa buzoba nyonso ko banda ko lika kuna soki FCC abimisi yango. C'est très important. Et donc monsieur le président Félix lala pongia ba bébé. Tika ba ngoba silana. Bongo tango kotelema o dissoudre pe lo kwango. Na moni batu mususu oyo bati lukwe ba moni la passe a dépensa ebele. Les Congolais sont bizarres. Bazo pose ba acte moko ya konsove bino me yo telemi pour trahir. Sonyo wapita mona zo tala video batu na mulongo bazo kende lokola ba bebe. Tozo kende kotala autorité morale. Namona ngo na François Mitterrand te namona ngo na Le Pen te basalele mulongo bakenda kopesa ka embote autorité na ebite soko autorité morale pa na bise za ndenge nini namona ngo ta te na IDPS parti ya munene ko le parti tout na Congo namona ngo te batu mulongo bakenda kopesa Félix Bambote sonyo wapi chiko na ndenge bozali wana bakoto sabino ndenge nini. Vous allez vous rappeler dans le bas que le problème est à Rwanda, à Boko Misango Munenete. Biso Boko Tozo agir en Denge Nini. Pour Rwanda, il y a un banga Biso. Soit à Monika Kandenge Batu, ba intellectuel ya Minene, Ngulupa ya Batu, à Sali Molongo, autorité morale, autorité morale. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Même en Angola, même en Brazzaville, c'est difficile. Na mona jamais sa soungue sur Sali Molongo Anna. Ba acte na bino ndeso sala ke batu bazolo ba kotanga université zelo kwa pamba so lingo insiste tanga ezabi arbitala bato batanga ndenge bazali. Ayez la conscience mes frères. Faites ne fiche quelque chose pour que mboka oye changé. Ça n'est trop. C'est honteux en plus. Na lingine sabino li solo moko e salema ki na États-Unis. Chinois, ouais, c'est un goto sa noir. Le dernier en date, à comment le loco la noir parce qu'à côté noir, n'a bouzo banaye, bisoba noir. Moutoroya n'a pas bang, mais on a kissi minou, tala la bacanal plus, canal plus comédie, mundele elbi, fungola minoto filme mounoko, bah, moutoumunda yoki ango et sengo. A fungoli muneko eh kana bisko meje ba ola kisa mutu ba minu mike mike ba ba si ba kisi so ya munoko je n'ai jamais vu ça mundela ke ko filmer ba mundela de konaye fungola munoko ba filmer yo mutu mwinda zo sala ngo sonyo wapi personnalité na biso ko sala wapi yango to lobito zonga le bonzambe na style ba koko mais bo confondre ngo de mabete Yoshua Azalaka blanté. O bozo benga Christ. Azalaki blanté. Bakambobile bakomi pemeni pemeni za yalkuta. Nous quand nous prions, nous invoquons le nom de Yoshua Hamashia. Nous invoquons. Nous parlons dans nos prières de Mfumukibang. Nous parlons. Parce que tango yo osako telema osako loba njambe ya Jacob njambe ya Abraham wana nde sengu totanga kimbango ba koko wana Abraham osako kote chinois abeti jeune fille ya mtu mwindu na port na États-Unis kobeta kotika ye mutakala siko ba kongole ba rwande ba burkinabe bantiye batutu baye ko sangada place moko balobi toko marché lobby toko la ksa chinois que tozali batu akoko sakana na mwasi ya afrique te alongole bilamba sala e bêtise wana jamais basorganiser tango basorganiser mundele moko alandi chinois ayebisi eboye kobanga na yote batu mwindu bazaka faible. Chinois lobi non non balobi ba kosala manifestation alobi te bo bangate batu mwindu bazalaka zero alobi sikona kosala nini ba ebisi chinois oyebi basi na bango ba lela suki ya mindele na suka ya mokili donc bakoko kufa pona yango. Qu'est-ce qu'il faut alobi me yo te kaka ba plante ba mèche na ba kabelo wana te kaka kitisa talo kaka juro bazana manifestation okomone kokufa. Chinois kitisi talo a 80%. Basi ba yo ki publicité ke chinois kitisi ba mèche. Alobi femme noire nyoso ko yako somba c'est moins 80%. Mbala moko basi ba longwe ba tiki marche ya soutenir camarade na bango mwa simwindo. Ba kepo ba somba ba kabelo. Marche kufi mibali Afrique et telle mibali. Ah! Boya to marche mutuana boko somba te loko e pana ete bitumbe bimi. Ba fiona ba bono kwakuna. So ba beti eza ye moko etali biso na nini? Biso tika to somba ba meshi na biso na ba plante. Eh, na zanga kabelo pona buzoba na ye. Voilà mutu mundu ndenge azalaka. Abundaka nande kona ye po a sauver kaka eloko ya mupaya. Botala mutu mwindu ndenge azalaka. Alobi bokoko ezabi loko abuzoba na komi musulman. Soka koti kokoma musulman ebe loko asalaka liboso abokoli mande fo ezalebele akoma loko la arab. Alati ba mwa biloko ya arab. Aboko moko tambora na bubu partout. Koleka na arab. Toza na bango awa na Kishasa awa. Balata ka normalement lokola batoto. Me soko kyo kokutana na mutu mwindo po ala kisoka ka za islam za musulman mbala moko ala ti bubu wana. Mutu mwindo asala ka effort e loko ya mupaya ekende liboso. Asala ka effort religion ya bato e buta ekende liboso. Okomona mutu mwindo na ba bubu wana akolisi mande fois ala lokola arab. Arab asa ko seka yo. Me yaka kotala arab yango musulman. Afuta kama mtu ndenge nini na musala musulman wana akonsidera kama mtu mwindo ndenge nini eza la pe ba chrétien soki ya monika ka ndimi o alinga koma juif voyage akokende na mboka te kotala e pa ya uta akoende jamais na mboka bakata bilanga po kolia e koma bien ya ko voyager na ke Israel akangi ba photo kuna na Jordan c'est ça le noir. Moye bato sabiso na mususu e komi pasi. Oko mwona mutu mwindu. Nga ina la mkaka na mbetu na baka 3h di matin. Je prie, j'adore maweja. Et puis je prepare l'eau. Na sukoli. Ba 5h wana ifona envisage ko bima deja. Oko mwona tokutani na musala. Bakuta kangai toujours. Si mabalobaka nini botika kazo mwaza mundele c'est-à-dire mutu mwindo ya kokozala ponctuel il faut azala na kombo ya mundele so bakutika ka soin pana ye lokole pa mundele c'est-à-dire mutu mwindo azwa salité a mijembi ka yango ye aza ya salité ye aza ya baretar ye aza ya buzoba ye aza c'est nous-mêmes. Même na se rappeler Zakari Baba sur la kisaka image ya saleté ya France ya Belgique ya bafou ya kuna azoka problème bango ba bombaka bo nyama na bango na buzoba na bango ba bombaka balinga ko bimisa ko la kisa mtu mundu za ndenge nini tokosala ba recherche je veux écrire à Automunde atindela nga ba kombo ba tumundu nyoso ba créer biloko par exemple ordinateur. Parmi les concepteurs, Mutumindo Azali et Père Azali qui sont très influents. Ba téléphone, même chose. Si vous avez dit que vous avez dit que tango avez dit na Bible bazo changer ango na katikuna parce que za mundele vous acceptez. Talaka basi na biso tobali. Aina suki na ena ndenge moko ko ndimate. Azoko lata suki ya mutu akufa abenga ngo kabelo na kabelo wana na mutu ezaki ndokite soki olobi na bere na bakoko tika batu bakufa wana wana komi kindoki ozo sala mekolata suki ya mwasi akufa okoti na eglise na temple na reveil obandi koloba robo boko shorongoro epi eloko wana eloba nini ba explika bino teti lelo. Yanda baba beke si kere kere. Kaka phrase wana. Ndiye loba makamu. Ndiye loba makamu nyosu. oyebite que za formule là ça va parce que batangi na suka au nom de Jésus. Sonyo wapi? On va dire comment pour que vous compreniez ces choses. Aussi comme on a niveau ya mutu mundo la kisie, regarde cette écriture, ces versets bibliques na verso yo, et ça contradictoire. Dieu ne peut pas se contredire, il s'énerve. Il s'énerve le noir, il s'énerve. Ndenga moko na basoyo pona kabelu ba abandonan de kona bango ba beta na chinois. Ba weleli kabelu ba kitisi pri. Monde l'Amérique ayeko bisa chinois na bisa kyo nini? Les noirs sont comme ça. Au montant au pays loko basa lokola mboa. Mboa sa azana kanda ndeni. Pese mukuwa kanda nyo Cecilie akusokipe na mukuwa yo okoti yo yibi patrona yo kei. Omoni na ibisa kyo kitisa talo. O kitisi manifestation salini ekufi. C'est le noir. Soko toteli ba noir. Ndenge bazo sale la occultisme. Soko ba koti na ba religion nyo so ba occultisme nyo so ba secteur oyo. Ba sala kamabe kole kamem bakolo biloko wana. Et puis ce que Tali, Balukaka, président de la République, il y a ce qu'à côté, il y a un bango, il y a un bango, Pourquoi Balukaka, il y a un président de la République, Moutou, il y a un zamba tindi, et dirigé, Bakanga yango, Nabo umbo, Bakobanda so, Bakangiye, ye, ce qu'on va dire, Salabino Makambo, Bango Bazako Luka. Europe zoto nga mati leonona azina Afrique à travers ba science occulte na bango ba église na bango wana ba installa awa osio koti na mystique wana okoko zonga simati ba koboma yo ba kozwelo bana alors komi tango za PDG okomoko iba mbongo ya Congo ezoto nga pa na bango religion nini wana bandeko lelo yo pozo musala za pasi parce que biso kota na loge. Mutu mwinde zo sala ngo nesengo. Ba kreye nzala. Ba bloke bana batu. Ba ya. Ba kota na loji. Loji ango bandeko. Boza wana. On n'a pas besoin de vous attaquer. Mais montrez ce que vous faites comme œuvre ici en Afrique. Montrez. Si ce n'est que le mal. Tout l'argent part là-bas. Et pourquoi vous y allez toujours? Pourquoi vous entrez toujours là-dedans? Parce que vous n'allez rien faire pour votre propre pays. Dans la société, le loi, la banque, la société à communication, vous avez des sommes. Au Seigneur, on a maquillé. Conscience, c'est le banin. Tant qu'on va signer, et là, on a des gens en Afrique, on a des gens rien. Le continent le plus riche de la planète Terre, mais où il y a la pauvreté criante. Vous êtes à l'aise. Et puis, vous avez fort bon batumusus, c'est la condition pour que vous avez un batumusus. Il y a agence de fret, il y a un professionnel, il y a un goyo. Bande konanga nyonso bozakuna na Europe. To loba ki to premeta ki to kokoma na place, pe to komi. Nous sommes sérieux, nenge moko, agence ya fret, kafrex. Ezali sérieuse. Bomoni ndenge bazako bimisa ba biloko oyo batindaki na fret na bango. Awa tozali na Matonge. Na Matonge awa tozali na avenue Buburu numéro 9. Soki otindi eloko ekomaka yango ese komi. Donc batu biloko na bango bazako yako retire. Faites confiance à Kafrex. Comme Mindele Lobaka, vous ne serez pas déçus. Faites confiance à Kadjombo TV parce que vous aurez des bonnes informations et des vraies. Tozaliawa, Yangoana, Biloko Ezae Bele, Koutunakati, Tozangi Place. Ce qui fait que Togozala obligé que Kafrex, Mikolokoya, Liboso, a repris sa adresse sur Yassika, la méthode de travail Yassika. Mandeko nangai awa savon batindi batinda kina fromage ba otinda na maya komela parce que baza confiance avec Kafrex mingi baduta oh na tinda mai na ibite nige kokomela ba famille nangai mais awa ekomaka très bien et les gens utilisent très bien et les gens sont dans au moni savon yangwana eye lelo oyo na famia batu nyonso bako sukola bilamba tango baza kotandango na singa bako benga kuna na royaume ni pour dire to sukola bilamba sa voix est comme qui encore les gens de l'autre côté parlent l'anglais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Makambo na yo salema ki déjà aussi retiré biloko na yo. Ngana sina retiré mais na ko zwa pe carton moko. Oh, eza 4e fois na zwa. Osala réclamation ta mokote. Moko te ya kana ngo normal le bazwa ke loko te nini te. En tout cas to se pelange so makasi eza kitoko. Malgré eza côté boye ko bata ma main to zwa ka eza mbongo ba uta ko tindela pe mbongo pe na jipe normal. Merci mingi mama. Vous voyez une précision. Kafrex est na commune Mouké, na Gombété, nenga batuba meseni, mes clients pamba pamba. C'est lié à quoi? À la confiance. Donc, ce que vous envoyez arrive toujours à bon port. Vous êtes servi et tout marche très bien. Mais il y a une précision. Je n'ai jamais vu ça dans une agence depuis que je fais des tours. Une cliente qui se repose. Un soleil ardent, comme nous sommes sous le tropique, on commence à servir à ta sucré, à Zomela, en attendant na stocko ezebele na kati, ba mimisele colline aye. Kafrex, pardon. Visitez notre site web, na www.kafrex.com. Jamais Moutoumoundo aza numéro 1. Bakocho numéro 1 en Afrique. Ba recherche nyon so ba sali le loco. Pona ko découvrir ba évangile ko eba ya solo soki ezala ki wapi wapi ba kutaka yango kaka na Afrique ndesika ba kutaka yango noir réseau ipse le côté na yo ka pasteur moko munene sur place azolo ba soki opamboli Israel te ko zala ya pamba mwate depuis ba ndimina ba pambola Israel ba za wapi pauvreté sur pauvreté. Ukomona bazoko sabino aneo yo nzambe lobi lukutondi semitu kawa amene bolinga kaba fraza na amene ane sile mitu ke tondite lokola mona ki kakosa ki bino a changer formule nzambe za kuloba vous priez vous n'obtenez pas parce que vous priez mal dit amen mutuboko loba amene ya kitoko place oyo il vous a menti a changer formule que vous priez vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Qu'est-ce qui signifie prier bien? Oh, tu as 40 jours à jeûne, tu as 40 jours à jeûne, et le côté est. Année est, à l'obi, oh, il y a année à grâce, le Seigneur met l'année à grâce. Grâce est, ou à négocier. Donc, si tu as dit qu'il y a une église à réveil, il y a un rendez-vous manqué, une promesse irréalisable. Chaque culte, si tu as dit qu'il y a un gourou, mais tout n'y est. Ngai nazaki sacristain. Je disais à Michel Boisseau qui était le prêtre là-bas. Pourquoi Jésus oyotoza na na katia sacrifice aza noir avec le nez épaté, cheveux crépus. Mais oyoto obima na etango tokota ka bato ya lumashi bayebi ndugu zangu na waita twingie. Ndugu zangu na waita twingie kuchambe kuba. J'ai déjà oublié le reste. Tuzokota pour le période de Nanzara qui portait courroie. Bokokota ce qu'on a Jésus à Mundele. Sobolandi pape na katia prière à Salaka. Okomona zo fukama. Okuta Marie ya Mwindo. Parce que je sais que Isis a zara ki mouto Mwindo. Nde ouye ba imitakati lo bako yko benga kombo à Marie. Parce que Yoshua a zara ki mouto Mwindo. Le nom propre ne change pas, mais il y a qu'on change, il y a qu'on change Jésus. Moutoumouindou, Mawa. Tozo ganga, parfois, on dirait que nous crions dans les déserts, mon délai, ça tranquille, le noir, a qu'on y a qu'à salier, ah oui, c'est la vérité, après l'obi, à Bossani. Bande ko tozo nga, c'est quoi qu'on a christianisme? Pierre Azoloba, ces gens ici, na jour à Pentecôte, ces gens ici, ils ne sont pas ivres. Ils sont remplis de l'Esprit Saint. N'aviez-vous pas lu le prophète Joël? Il avait dit que dans les derniers temps, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Pour n'appeler l'eau, Mokolo ya souke zalaki na l'an 33 oye ya zalaki. Bandeko nanga iboke ndeko seku sa petele lobo ya koleksek toza na 2019 soki ya kopike krizite. Ako mona ndenga zalo yisa batuke toza na temps de la fin, me kwa kouta 2019. Alobi temps de la fin na 33, me toza na 2019. Le calvinisme, ba oyo ba salaki ba méthodiste, ba loba ki fin du mois eza na 1500. 1500 eleki. Ba branamis, ba loba ki ke fin du monde egoya na 1988. Je me rappelle tant que tozaki place moko na ba maki mutatai, ba malaba, na ba tunyon son azo tanga, tozako ba chike ngela, ba frère Kazadi, Masudi, Chikumambila, tout ça. Soki ba yo ki train ezo ganga ya kader ou ba lebi l'ange a sonné c'est la fin du monde ba ko bien vite za train toza na 2019 ba yo kata sonité ya koloba on avait menti mais ba tiki yango ti lelo mason joana lokola noir il est sans souvenir noir tikali kana lokwana il fallait ko longwa bobomi église wana vous avez menti. Bible yango moko balobi chaque 2000 ans événement salimaka. Or c'est faux, c'est pas ça. Na Kishasa tango 2000 ninge koka tozana bango na lobi hein, mokilizo si la tete tozana bino. Tobima libanda, le là c'est ça et motif to gangi ka pamba. Il fallait to ça la sikoyo remise en question. Bato balobaki 2000 mokilisili et silité. Faut-il continuer à croire en eux? Pourquoi ça ne nous fait rien? C'est ça mon problème. Il y a un autre le baba de FCC, au talio moko docteur 1, au zabo na boy, mais bazo baloté baloté. Tu ne te poses pas des questions comment? Mobutu a comprendre quelques photos ngana bokoko et c'est très important. Il avait fait l'analyse telle que ngana zo sala wa lelo, telle que ba rebelé ba sala ka. Pour comprendre dans quelle histoire nous nous trouvons. Ce soit les limings, ils ont signé une image à Mobutu, tout le monde a cassé Mobutu. Azali moto moindo ndeko na biso na bino lokwa tozali awa. Alobi boye, namoni nzambe. Nzambe alobi na ngai boye. Asaki na kimbangu nini. Bakangi ye kondane a mort. Alei na boloko mpula tuku misato. Par contre, nakolaki bakolakisa biso nini. Tante Maria apimelaki bana kuna na Portugal na Fatima. Apimela ki mwana mwasi kuna na Lourdes na France, na Borin kuna na Belgique. Là c'est normal, tuku nzambe apimeli moto moindo mondele kuna, nakoyebisa biso ondima yango. Tuku moto moindo alobi ye pe amoni nzambe balobi illumine kanga ye condamné à mort. Mobutu kolanda ndenge président de la République Nathan wana Mobutu Sese Seko alobaki analyse ya salaki za ndenge moko nazo sala lelo za ndenge moko bele bazo sala tozala na ko réfléchir totala totia fanatisme te na biloko yo toza ko sala totala pe résultat nango za nini tala son temps il avait réfléchi balabi boye netomoni boye pourquoi ekotikala boye de la même manière oyo lokozo tanga na obozo sala est-ce que zandenge moko tango tangi oyo na oyo kokanite otikali na kati pourquoi oliyoza la mutu nini est-ce que oza robot non en tout cas mobutu atikala biso authenticité to sali erreur toyo kozonga kozwa bakombo ya bato. Nazomona mwasi ya moko ya auti mwanda. Tokuto na ye quelque part. Babenge Lenzo. Lenzo Mikolebele. Kome anga Lenzo. Tebe anga Kardashian. Tala ndenge biso banu artozali. Ba bato baboyi bakombo na bango baboyi koyoka makambo na bango baboyi nyonso bayebi ete esika bazalaka te histoire ya wana bayebi te balingi koyeba makambo ya mosika sanirapa nzambe apambola biso nyonso na Congo moto mwindo atelema tant na ye se koki bolinga bolinga te ça va aller comme ça et ça aura de omoni babomaka africain na ntango wana par les romains bazalaki koteya ndenge tote bateyi bato bateyi bato bateyi bato babomi bomi bomi nde basinstalle lelo bokoma oloba ye ça vient de la part de dieu pa mama ovandi na royaume-uni to mpe oza na ndeko na londres pesa ye sango ya agence de fret ya baprofessionnel yango oyo avec des diplômes universitaires ya royaume-uni mpe na kinshasa toza na avenue buburu numéro 9 matonge 2 commune ya kalamu référence école monseigneur moke van eza koya na ndako na angleterre mpona kozwa biloko mpe kotinda na kinshasa koli na yo ya lolenge nyonso olingi otinda nini mutuka velo carton biloko ya kolia to mpe biloko ya ndako mobimba kafret otindi miliki ekomi mpe bameli yo oza na nord to mpe na sud ya angleterre benga biso na banimero oyo kafrex eza na angleterre na ecosse kafrex esalaka mpe fete aérien pour plus d'info visitez notre site web na www.kafrex.com